un maire. Heureusement pour la réputation de M. de Rênal comme administrateur, un immense mur de soutènement était nécessaire à la promenade publique qui longe la colline à une centaine de pieds au-dessus du cours du Doubs. Elle doit à cette admirable position une des vues les plus pittoresques de France. Le soleil est fort chaud dans ces montagnes. Lorsqu'il brille d'aplomb, la rêverie du voyageur est abritée sur cette terrasse par de magnifiques platanes. Leur croissance rapide et leur belle verdure tirant sur le bleu, ils la doivent à la terre rapportée que M. le maire a fait placer derrière son immense mur de soutènement, car malgré l'opposition du conseil municipal, il a élargi la promenade de plus de 6 pieds. Quoiqu'il soit ultra et moi libéral, je l'en loue. C'est pourquoi dans son opinion et dans celle de M. Valnaud, l'heureux directeur du dépôt de mendicité de Verrières, cette terrasse peut soutenir la comparaison avec celle de Saint-Germain-en-Laye. Je ne trouve, quant à moi, qu'une chose à reprendre au cours de la fidélité. On lit ce nom officiel en 15 ou 20 endroits sur des plaques de marbre qui ont valu une croix de plus à M. de Rênal. Ce que je reprocherais au cours de la fidélité, c'est la manière barbare dont l'autorité fait tailler et tondre jusqu'au vif ses vigoureux platanes. Mais la volonté de M. le maire est despotique, et 2 fois par an, tous les arbres appartenant à la commune sont impitoyablement amputés. Je fais tailler mes arbres pour donner de l'ombre, et je ne conçois pas qu'un arbre soit fait pour autre chose, quand toutefois, comme l'eût-il noyé, il ne rapporte pas de revenus. Voilà le grand mot qui décide de tout à Verrières. Rapporter du revenu. À lui seul, il représente la pensée habituelle de plus des 3/4 des habitants. Rapporter du revenu est la raison qui décide de tout dans cette petite ville qui vous semblait si jolie. L'étranger qui arrive, séduit par la beauté des fraîches et profondes vallées qui l'entourent, s'imagine d'abord que ses habitants sont sensibles au beau. Ils ne parlent que trop souvent de la beauté de leur pays. On ne peut pas nier qu'ils n'en fassent grand cas. Mais c'est parce qu'elle attire quelques étrangers dont l'argent enrichit les aubergistes, ce qui, par le mécanisme de l'octroi, rapporte du revenu à la ville. C'était par un beau jour d'automne que M. de Rênal se promenait sur le cours de la fidélité, donnant le bras à sa femme. Madame de Rênal paraissait une femme de 30 ans, mais encore assez jolie. Il pourrait bien s'en repentir, ce beau monsieur de Paris, disait M. de Rênal d'un air offensé et la joue plus pâle encore qu'à l'ordinaire. « Je ne suis pas sans avoir quelques amis au château. » Ce beau monsieur de Paris, si odieux au maire de Verrières, n'était autre que M. Appert, qui, 2 jours auparavant, avait trouvé le moyen de s'introduire non seulement dans la prison et le dépôt de mendicité de Verrières, mais aussi dans l'hôpital administré gratuitement par le maire et les principaux propriétaires de l'endroit. Mais, disait timidement Madame de Rênal, quel tort peut vous faire ce monsieur de Paris, puisque vous administrez le bien des pauvres avec la plus scrupuleuse probité? Il ne vient que pour déverser le blâme, et ensuite il fera insérer des articles dans les journaux du libéralisme. Vous ne les lisez jamais, mon ami. Mais on nous parle de ces articles jacobins. Tout cela nous distrait et nous empêche de faire le bien. Quant à moi, je ne pardonnerai jamais au curé.